Bonsoir, bonsoir, il est 21h01 sur Radio Radio, enfin il est 21h01 si vous écoutez cette émission à 21h01, hein, parce que peut-être aussi bien vous êtes en train d'écouter cette émission dans les Mixcloud de Radio Radio ou sur le blog de Vraiment Autre Chose, auquel cas il est l'heure qu'il est quand vous nous écoutez. Voilà, je ne peux pas vous dire de plus que vous dire de plus qu'il est le jour qu'il est, voilà, mais que si par malheur, il était 21h01 et si nous n'étions ni un vendredi ni un samedi, alors en tout cas pour Noé et pour Anatole, ce serait carrément l'heure d'aller se coucher. Et pour les autres, vous écoutez vraiment autre chose. Vraiment autre chose, numéro 170, c'est ouais, 170e émission de Vraiment autre chose, et c'est encore un hors-série, c'est au pied de la lettre 8. Au pied de la lettre, c'est une série d'émissions à thème de Vraiment autre chose où nous avons décidé de nous attaquer à la Nurse with Wound List. La Nurse with Wound List, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement une liste de groupes et de musiciens, pour la plupart assez obscurs, qui étaient insérés dans le premier album du groupe Nurse with Wound. Ils ont d'ailleurs rajouté une deuxième liste dans leur deuxième album, en tout cas un addendum, et on obtient en tout 292 ou 13 noms de groupes et de musiciens, certains connus, Frank Zappa, King Crimson, Captain Beefheart, dont on parlera ce soir, mais aussi pas mal de pépites, de choses assez inconnues. Cette liste, qui était juste un addendum dans un album, enfin dans deux albums, est devenue au fil du temps et de l'histoire de la collectionnite aiguë et des passionnés de musique de progressive et avant-gardiste, c'est devenu une espèce de Saint Graal, une référence en fait. Et d'ailleurs, les disquaires, au bout de 15 ans plus tard, les disquaires commencent à faire des rayons Nurse with Wound List, pas mal d'albums sont réédités par des labels passionnés, et un nouveau public s'intéresse à cette liste, qui est une espèce de porte d'entrée, si j'ose dire, dans les musiques progressives et avant-gardistes des années 60-70 et le début des années 80. Et c'est cette liste qu'on a décidé d'attaquer avec l'équipe de Vraiment Autre Chose dans cette série de hors-série. En gros. Et que vous dire de plus, que nous sommes ce soir en excellente compagnie. Je suis seul dans les studios, en présentiel Radio Radio, mais j'ai avec moi deux excellents camarades chroniqueurs et aussi animateurs de radio de leur côté, des collègues en quelque sorte, des camarades, en les personnes de Tony de Cherbourg, de Radio La Cherche. Bonsoir Tony. Bonsoir Toulouse, bonsoir Manu. Est-ce que tu nous entends bien? Tout va bien? Bah oui, tout va bien. Eh ben c'est merveilleux. Tu peux nous en dire un peu plus sur Radio La Cherche? Eh bien, Radio La Cherche, figurez-vous que nous refaisons une émission vendredi soir avec quelqu'un que je crois que tu connais, c'est Ahmad Jamal Kebab, Onda Kula, qui va nous faire un petit live. Il est en tournée en France en ce moment. Et en ce moment, on fait des émissions un peu irrégulières, mais en fait, on fait beaucoup de concerts en live et des chroniques musicales. Voilà, une histoire d'amis qui se finit en radio, peut-être un jour professionnel. En tout cas, on y tend petit à petit. Et c'est tout le bien qu'on vous souhaite. Hein. Et puis un concert de Kundaula, ça ne va pas trop te changer la Nurse with Wound List. Je veux dire par là qu'on parle souvent de groupes un peu psyché et prog. Et l'univers de Kundaula, il est carrément revendiqué et influencé par ça. Enfin, j'ai eu l'occasion de le voir en concert et vous allez vous régaler. Eh ben on va en parler justement, la Nurse with Wound List, avec notre ami Ahmad, je crois. Ahmad Jamal Kebab, c'est ça? Tout à fait. Je sais plus comment il s'appelle. C'est ça, tout à fait. Donc les grands esprits se rencontrent, j'ai envie de dire. La musique, ces milieux musicaux très minimalistes créent des ponts partout et des réseaux incroyables. Eh ben des ponts, il y en a aussi un pont ce soir numérique qui se crée vers l'Outre-Quiévrin, vers la Belgique et vers Bruxelles plus précisément, où nous attend notre ami Nico de Radio Panique. Bonsoir Nico. Bonsoir Manu, bonsoir Tony, bonsoir tous les Toulousiens. Pareil, tu peux nous en dire un petit peu plus sur tes activités radiophoniques? Oh, tu as combien de temps? On a à peu près 2 heures devant nous. Ouais, mon parcours commence en 92 déjà, Comme étudiant, je suis commencé de faire une émission là autour de l'avant-garde et la philosophie à l'époque. Et ça s'est évolué dans une émission qui est plutôt maintenant orientée vers la musique inconventionnelle, où que j'invite souvent des musiciens qui viennent parler de leur musique, de leur envie. Et donc, voilà, ça c'est un peu chaque mardi soir que je fais ça. Mais aussi le samedi après-midi, je fais plutôt une émission qui est orientée vers le jazz avec deux autres copains à Bruxelles, où on invite aussi souvent un musicien, une musicienne pour en discuter aussi de leur envie et de leur musique. Et à côté de ça, il y a encore beaucoup de petits projets que je fais un peu partout, comme le festival Mia Kusma ou le festival à Mulhouse qui s'appelle Météo Festival. Tout est projet un peu dans ce sens-là, ou qu'on se rencontre beaucoup des autres animateurs radiophoniques qui sont assez intéressants. Je vous remercie. J'en ai autant pour vous, très cher. Et bah justement, on va au pied de la lettre. On s'est arrêté la dernière fois, on avait fini avec la lettre B. On attaque la lettre C ce soir. Donc on est au pied de la lettre C. Une émission qui sera donc insensée. Et c'est toi qui démarres le bal, cher camarade. Donc à toi la parole. Ouais. Donc on va commencer avec un groupe qui à l'époque s'appelait The Boss Blues, mais je pense qu'ils ont changé leur nom parce que ils ont peut-être pensé qu'il y a un listener qui va se créer parce qu'en 69, ils ont changé le groupe qui était appelé comme à l'époque Boss Blues, mais qui était plutôt dans la musique Bubblegum Pop, qu'on appelait ça. Ils ont sorti deux singles à cette époque-là, mais en 69, ils sont rentrés dans le studio. Ils ont créé vraiment un album fantastique, un peu lugubre, qui s'appelle Cro-Magnon. Et aussi, le titre de l'album, c'est aussi Cro-Magnon. De temps en temps, le deuxième ou le troisième album qui était édition s'appelle Orgasme, ou encore Cave Rock. Donc, il y a plusieurs titres pour le même album, qui était sorti initialement en 69 sur le ESP Disc. Et avant que je continue de parler, on va écouter un premier morceau de cet album-là qui s'appelle Caledonia de l'album Cro-Magnon. Thank you. C'était le titre Caledonia qui ouvre l'album Cro-Magnon du groupe Cro-Magnon. C'est Nico qui nous en parle. Oui, tout à fait. Et aussi, c'est le tout seul album qu'ils ont réalisé. Donc, ils ont un seul album avec six musiciens qui sont tous des membres de groupe que je viens justement de dire avant, le Boss Blues, qui a rien du tout à voir avec cet album ici. Le Cro-Magnon Orgasme ou le Cro-Magnon Album a été enregistré au studio A1 Sound dans le Upper West Side de New York en 69, dans un vieil hôtel transformé en studio. La salle à manger était le studio, complété par quelques petites pièces et la salle de bain qui était adaptée en raison d'écho parce que tout était en carreau. Et c'était très, très improvisé avec un ingénieur de son comme Onno Schultz. Je ne connais pas ce monsieur-là, mais apparemment, ce n'était pas un ingénieur du son qu'on connaît actuellement. Donc, il y a des choses un peu bizarres et tout était très spontané. J'ai trouvé aussi une interview de ce de groupe et là, j'ai repris quelques idées. Et par exemple, il disait, voilà, c'est spontané. Je veux dire, parfois, il nous disait simplement, allez chercher quelqu'un de la rue. Et ce qu'ils ont fait, nous avons fait venir des gens de la rue. Et je me souviens que d'une fois où il y avait un type, c'était fin août, début septembre, et il a eu une sorte de manteau d'hiver, et se tenait là avec un aspirateur. Il tenait un aspirateur dans les bras et il a dit, je viens dans le New Jersey et on a dit, et ton offre du vin et de pizza ou ce que tu veux, si tu veux venir au studio avec nous. Et il nous a regardé d'un drôle d'air. Donc il troquait les services musicaux. Ils ont pensé qu'il pourrait utiliser l'aspirateur pour une pièce, mais c'était vraiment inutile. Non, il n'a pas joué à la fin. Il a commencé à voler des cendriers. Ils ont dû le jeter dehors. Pas d'aspirateur, mais tout le reste a été enregistré et utilisé. Vu la façon dont le studio était et l'atmosphère qu'il régnait, c'était n'importe qui est entré. Cela aurait pu être un excentrique ou quoi que ce soit, dont ils aient besoin. La technique de Wall of Sound de Phil Spector, dont le producteur Brian Elliott était fan, a fortement influencé le son de l'album. Pendant l'enregistrement, les membres du groupe faisaient venir des gens de la rue aux arts et leur demandaient de contribuer à l'album. Sur la conception de l'album, Salgado, membre du groupe, se souvient, le concept original de l'album était de progresser à partir de différentes décennies de musique. Par exemple, en 59, Elvis s'écoutait son bassin et rendait les gens, enfin les femmes fous, et les adultes aussi, les rendant très contrariés. 10 ans plus tard, Hendrix mettait l'essence de briquet sur sa guitare et obtenait une super distorsion avec ses amplis Marshall et les Who cassaient du matériel et on essayait d'entendre ça à la décennie suivante. Nous allons dire peut-être qu'en 79, il y a un groupe de personnes sur scène qui souffleront dans des roseaux d'herbe pendant que quelqu'un récitera de la poésie et qu'une autre personne projettera de l'eau sur le micro, sur scène, avec un tuyau. Donc, Cro-Magnon a anticipé la montée des genres noise rock, industriel et no wave qui ont vu le jour dans les décennies suivantes. Et donc, je vous conseillerais vraiment d'écouter l'album en intégralité parce que c'est vraiment tout un voyage. J'ai l'impression que c'est un seul morceau, mais non, il y en a 8 ou 9 différentes. Et on va écouter un deuxième morceau qui vient de cet album-là, de Cro-Magnon, et le morceau s'appelle Fantasy. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa p

C'est clair que l'ingé son, on ne peut pas dire que ce soit conventionnel son travail sur cet album. On s'en rend bien compte sur ce titre, hein, Nico. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais ce qui est aussi étonnant de cet album-là, c'est que c'était sorti sur le label ESP Disc. Donc c'était un label qui était plutôt orienté vers le jazz, free jazz, la musique de folk, toutes les choses comme ça, mais de créer un album comme ceci, c'est vraiment étonnant qu'ils ont osé de le faire ça. Parce que c'est vraiment dans un autre esprit de le label, mais quel album? C'est un album que j'ai trouvé au milieu des années 95, quelque chose comme ça. Et j'ai écouté ça dans cette période-là très, très souvent. Et j'étais content qu'elle est sur la liste de notre tour, que j'ai redécouvert cet album-là, parce que et ça reste toujours très intéressant, très ouais. Et déjà avant leur temps, tu vois, oser des choses de faire comme ça. Maintenant, on sait qu'il y a plein de choses qui se passent comme ça, mais dans cette période-là, 69, c'est quand même bien osé, je pense. Ouais, carrément. Et puis, ça résiste très bien au vernis du temps. Moi, carrément, cet album, je l'ai découvert il y a quelques jours quand on a décidé de s'attaquer à la lettre C et que, par curiosité, j'ai jeté une oreille un petit peu à tous les groupes et musiciens dont on allait parler. Cet album, mais quelle claque! J'ai pris une claque monumentale. C'est encore complètement d'actualité. C'est hyper étrange. Il y a ce morceau que t'as mis là en premier qui est l'ouverture de l'album. Et alors, juste après, il y a un morceau hyper malaisant de, je crois, 4 minutes 30. Avec des cris de quelqu'un qui souffre, qui a l'air de prendre du plaisir à souffrir, mais en tout cas qui souffre. Et on entend de la souffrance pendant 4 minutes 30, ça te met dans un état assez bizarre. Et par la suite, les gars, n'hésite pas à partir sur des choses par moment, pas le morceau qu'on a écouté, mais il y a des moments assez psychés, quoi. C'est genre, on est en rond, on va fumer un pétard, etc. Mais en fait, en vrai, on n'a pas envie, quoi. C'est-à-dire qu'après avoir entendu ce morceau, je trouve que moi, ça m'a laissé une espèce d'inquiétude, ouais, voilà, inquiétude en disant putain, à tout moment ça peut partir sur un truc flippant, et du coup ça donne une expérience d'écoute moi qui m'a vraiment régalé, quoi. J'adore justement qu'on joue un peu avec la surprise et les sentiments, et voilà, toute la suite de l'album je l'ai écouté en me disant ouais, j'y vois aussi un petit côté inquiétant à cause de ce titre là et ouais, vraiment hyper belle expérience d'écoute, album franchement pour moi encore très actuel, vraiment, c'est effectivement, ces choses ont été faites et refaites, mais il y a vraiment une histoire qui est racontée dans cet album et qui a vraiment du sens. C'est ouf, je crois qu'on est en 69 quand cet album sort. Et ben, franchement, on est quoi? On est 52 ans après. Ben, franchement, c'est voilà, il y a des albums qui passent le temps comme ça et celui-là en fait partie. C'est une vraie merveille que cet album Orgasme ou Cro-Magnon, du groupe Cro-Magnon. Et j'en profite pour dire que, comme pas mal des groupes de la Nurse With One List, cet album a bénéficié d'une ressortie. C'est Souffle Continu, le label disquaire parisien qui s'y est collé, qui a ressorti cet album. Et c'est, ma foi, très réussi avec un très très bon son. Et voilà, un album qui mérite vraiment qu'on s'y attarde, voire qu'on l'acquiert. Oui, aussi, je pense que cet album-là a aussi bien influencé Nurse With Wound, spécialement leur album de Sylvian Babs, Hi-Fi Companion. Si que vous ne le connaissez pas, je vous conseillerais d'essayer d'écouter ça une fois, parce qu'ici, on a aussi beaucoup des aspects un peu de montage, de copier-coller, tout des trucs comme ça, de rentrer dans des sons très bizarres de l'un à l'autre un univers. Et c'est un peu dans ce sens-là que je pense que Stephen Stapleton a créé l'album de Sylvian Bebb's Hi-Fi Companion. Et ben encore un beau chef-d'œuvre qu'on découvre ou redécouvre grâce à Stephen Stapleton. Je sais que tu as eu l'occasion de le recevoir en radio. Si tu le recroises, tu le remercies de notre part. Tony, ça fait un petit moment qu'on ne t'entendait plus sous les ondes de vraiment autre chose parce que tu étais appelé ici ou là, mais tu avais une requête, c'était quand vous en serez assez au Captain Beefheart, vous me le laissez. Et ben on en est assez. C'est à toi, Tony. Je pensais que ça allait être pour le B, parce que comme Beefheart, mais c'était gentil de le mettre dans le C comme Captain. Et alors d'ailleurs, quand même, le premier morceau de Cro-Magnon préfigure un peu le black metal, hein, quand même. Hein. On sent bien le black metal qui va arriver après. Donc un an après, il y a Black Sabbath qui arrive, mais moi, ça m'a vraiment fait penser au chant black metal avec ses cornemuses derrière. C'est incroyable, cet album de Cro-Magnon, pour en remettre une couche. T'as raison, on ne mettra jamais assez de couches. Vraiment, ça fait partie des chefs-d'œuvre qu'on est content de faire découvrir et de partager. Tout à fait. Alors moi, je suis là pour parler de notre cher capitaine Cœur de Bœuf, qui n'est pas si connu que ça, en fin de compte. Hein. J'en ai parlé à une copine, elle me dit « Mais qui c'est ?» Je lui dis « C'est Captain Beefheart ». Captain Beefheart, au départ, il s'appelle Don Glenn Vliet. Il est né le 15 janvier 1941. Il nous a quittés il y a maintenant 11 ans, le 17 décembre 2010. Et lui, son père était chauffeur-livreur dans le Kansas et d'origine néerlandaise, d'où le Glenn Vliet. Et alors, sa maman, tenez-vous bien, était la cousine de Wallis Simpson, qui n'était autre que l'épouse de Édouard VIII, du Royaume-Uni, qui a été roi d'Angleterre et qui a dû être empereur des Indes, je crois, dans les années 30. Alors, quand même, une ascendance un petit peu royale. Sur son enfance, j'ai cru lire qu'à 3 ans, il préférait siffler que parler, que très jeune, il a développé, des arts plastiques, puisqu'il faisait des objets avec de la glaise, avec des objets de récupération. Et a priori, il est passé toutes les semaines, il passait sur le plateau d'une émission de télé. Il a été remarqué par Augustinho Rodriguez, qui l'invitait à venir sculpter avec lui. Mais bon, ses parents, ils n'ont pas trop aimé. Ils lui ont dit « Fais pas ça, c'est pas bien ». Même s'il avait eu, il a eu des bourses pour aller en Europe, mais ses parents n'ont pas voulu. Et ils ont tellement flippé, ses parents, qu'ils sont partis s'installer dans le désert de Mojave. Et ensuite, ils se sont installés à Lancaster. Et à Lancaster, c'est là que le petit Van Vliet va découvrir plein de copains dont on va parler après. Et d'ailleurs, il s'appelle Van Vliet en hommage au peintre hollandais. C'est pour ça qu'il a changé ce Glenn en Van Vliet, pour rendre hommage aussi à son père. Et je pense qu'à un moment, il a découvert la peinture. On va en parler plus tard de ce parcours très original de Capitaine Cœur de Bœuf, qui a consacré une partie de sa vie à la musique et l'a fini dans la peinture. Alors, on va écouter ce premier album, puisqu'à Lancaster, il rencontre quelqu'un dont on va parler après. Mais en fait, il rencontre Alex Snuffer, qui joue du rhythm and blues, qui est à Lancaster. Et puis, il va rencontrer aussi John French, qui va l'accompagner pendant très longtemps, qui va être son batteur. Et là, ils vont créer le Magic Band, donc avec Doug Moon à la guitare, Jerry Handley à la basse et Vic Mertensen à la batterie, qui va être remplacé parce que le Magic Band, ça va être très mouvementé, parce qu'il n'est pas très facile, le capitaine. Hein. Il est un peu autoritaire. Et ils font des singles en 66. Et arrive donc l'année qui nous intéresse, c'est 1967, premier album qui s'appelle Safe as Milk, et avec un autre guitariste, donc un prodige que tout le monde connaît, qui s'appelle Ray Cooder, qui a 19 ans, alors qui est connu parce qu'il a fait quasiment une grande partie de la musique de film de Walter Hill, et notamment de Wim Wenders, et notamment la bande-son de Paris, Texas. Donc Ry Cooder va faire un seul album, il va se barrer en disant que Captain Beefheart est un nazi. Il ne va pas du tout aimer les collaborations avec Captain Beefheart. Et donc on va écouter deux morceaux, dont le premier qui va vraiment présenter, on va dire, Captain Beefheart, puisqu'il va nous dire qu'il vient du désert, il va parler des filles. Donc on a affaire à un drôle de mélange de blues, de country, avec des rythmiques qui sont déjà un peu bancales. Et puis son chant un peu hargneux, parce que en fait son influence principale c'est Howling Wolf. Donc voici le premier album de Captain Beefheart qui s'appelle, donc c'est Captain Beefheart and His Magic Band, qui s'appelle Safe as Milk. I was born in the desert, came on up from New Orleans. Came upon a tornado, so loud in the sky. I wheel around all day with the moon sticking in my eye. Hey, hey, hey, all you young girls, wherever you're at. We'll be right back. Voilà, premier album de Captain Beefheart. Safe as Milk, alors qu'il ne marche pas du tout. Hein. Ça ne se vend pas. Donc en fait, en 68, il rencontre Bob Krasnow, qui est un producteur indépendant. Il accepte de financer un nouvel album. Et Beefheart fait un double album qui s'appelle au départ It Comes to You in a Plain Brown Wrapper, avec un disque enregistré en live. Et donc, il enregistre tout cet album. Alors, je ne sais plus combien il y a de morceaux, au moins autant que le suivant, hein, 25, 26 morceaux. Et il part en tournée. Alors, je crois que c'est là qu'il part, il part en Angleterre. Et il part aussi à Amouji, à ce fameux festival qui était en Belgique, c'est ça, Nico ? Oui. Ouais. Où il y avait Frank Zappa qui a joué avec les Pink Floyd, d'ailleurs. Et donc, il y a Captain Beefheart qui joue là-bas. Et pendant sa tournée, le mec... il rajoute des effets sur l'album et il vire la moitié des morceaux. Donc Beefheart, il est dégoûté parce qu'en fait l'album il était pas mal. Lui, il avait commencé à faire quelque chose de plastique aussi, puisqu'il avait fait une enveloppe en papier craft qui était oblitérée. Et en fait, ça amorce un peu son univers en fait, et un peu l'orientation free jazz de Beefheart. Alors ça, je ne l'ai pas encore dit, mais faut savoir que Captain Beefheart, il a un chant qui s'étale sur 5 octaves. Il pétait des micros, tellement il gueulait dans les micros. Et voilà, il est très connu pour jouer de l'harmonica, mais aussi du sax, de la clarinette et du hautbois. Donc voilà, on va écouter deux morceaux de Strictly Personal, qui veut dire ce que ça veut dire. Et suite à ça, donc on est en 68... Et suite à ce gâchis de ce producteur qui s'approprie l'album, on verra par la suite qu'il va revenir en Californie. Voici donc en 1968, Strictly Personal. Got a letter out this morning. How do you reckon it read? Red and blue and green. Woo! All through my head. Licked a stamp, saw a movie, dropped a stamp. Woo! I ain't got no blues no more, I said. Put me up thinking postman's groovy. I ain't got the blues no more, I said. She walks flapping down the street where I live. Where she slipping along easy like fried chicken. Yes, loose and greasy, easy. She walk along crazy like, kind of crazy. Ooh, sort of lazy, sleazy, cheesy. You know what I mean? I said. Alors voilà, le capitaine est dégoûté, il rentre en Californie, il va retrouver son vieil ami avec qui il a fait des études, qui s'appelle Frank Zappa, à Lancaster. Et en fait, tous les deux, ils écoutaient donc du Howling Wolf et du blues. Hein, et en 64, ils écrivent ils font des parodies de chansons pop et ils écrivent le script d'un film qui ne verra jamais jour, qui s'appelle Captain Beefheart versus The Grand People. Et donc l'origine du nom. Alors selon Zappa, ça vient de son oncle, Alan, qui avait l'habitude de s'exhiber en train d'uriner devant la petite amie de Captain Beefheart en lui disant « Ah, quelle beauté! On dirait un bon gros morceau de cœur de bœuf !» Mais Captain Beefheart a dit que non, que lui, ce nom faisait référence à un bœuf enfermé dans son cœur contre cette société. Donc voilà, il rentre, il n'a pas de thunes, ses albums, ça ne marche pas, on est en 69, et Zappa vient de créer son propre label qui s'appelle Straight Records, et il lui propose, en totale indépendance, d'enregistrer un album. Donc 9 heures d'enregistrement quand même, pour 28 morceaux. On appelle ça un espèce de blues psychédélique avec camisole de force. Certains disent que c'est un des plus grands albums de l'histoire du rock, un monument de la musique avant-gardiste. Moi, personnellement, je n'irai pas jusqu'à là, puisque la musique est... voilà, il y a plein de choses en musique quand même, on ne peut pas faire des classements comme ça. En tout cas, Capitaine Cœur de Bœuf a beaucoup d'engouement des médias, interview avec Rolling Stone et une totale liberté. Donc avec son équipe, hein, il a toujours la même équipe, avec John French notamment qui est là. Et donc on va écouter deux morceaux de la réplique du masque de truite, le Trout Mask Replica, qui sort le 16 juin 1969. Combinant un grand nombre d'influences, autant que le blues, le rock, la musique psychédélique et le free jazz, voici, messieurs, mesdames, messieurs, le Trout Mask Replica. Now here she come walking, looking like a zoo. Hi, Ella, hi, Ella Guru. She know all the colors that nature do. Hi Ella, hi Ella Guru. Hi yellow, hi red, hi blue she blew. Hi yellow Guru. She do what she mean and she do what she do. Got something for me, got something for you. She show something. Dig it. That's right, the mascara snake. Fast and bulbous. Tight also. Around your knee in color. It just behind you will see of negativity. Take her like mercury in the wind. Her feet kept by the ground, her toes bare brown. The carriage she'd abandoned like a hand-me-down. She walked back into nature, a queen uncrowned. She had just recognized herself to be an heir to the throne. The garden gate swings lightly without weight, open to most anyone that needs a little freedom. For God's sake, oh come as many as you can. In dark or light, you're free to grow as flowers. Share her throne and use her toothbrush and spend some interesting hours. Eh bien, ben on va continuer. Alors, en 69, la même année, donc voilà, après ce chef-d'œuvre que je vous recommande vivement, hein, de 28 morceaux complètement avant-gardistes, on va dire, Captain Beefheart va jouer sur le fameux Hot Rats, l'album de Frank Zappa, sur le seul morceau chanté, d'ailleurs, magnifique morceau qui s'appelle Willie the Pimp. Et ensuite arrive son quatrième album, Lick My Dickles Off Baby, qui est un peu un condensé de Trotmask Replica, puisque maintenant il a un peu les mains libres, hein, il trouve des producteurs grâce à ce succès. D'ailleurs, ce n'est plus His Magic Band, mais The Magic Band, ce qui fait vraiment une différence. Je pense que ces musiciens insistent un peu en disant « c'est bon, t'es pas tout seul ». D'ailleurs, dans toute l'œuvre des Magic Band, il y a pas mal de musiciens de Zappa, hein, qui vont s'y frotter. Là, notamment l'arrivée de Arthur Tripp qui joue des percussions. On peut en citer d'autres, hein, Roy Estrada qui a joué aussi, Jimmy Cole Black qui a joué en 75, et Bruce Fowler en 75. Mais c'est une autre histoire. C'est l'histoire des Mothers, dont on reparlera plus tard à la lettre M. On va écouter deux morceaux, dont un. Alors moi, j'ai l'impression que la femme de Tom Waits, un jour, fait découvrir Captain Beefheart à Tom, et qui va beaucoup l'influencer sur Twerfish Trombone, notamment sur l'utilisation des percussions. On ne va pas parler du lien entre Tom Waits et Frank Zappa maintenant, puisqu'on parle de Captain Beefheart. Voici donc en 1970 deux morceaux de Lick My Dickles Off Baby. Wow, here's a me bop on, drop a rebop on. Oh, wow, here's a me bop on, drop a rebop on. Oh, wow. drop a rebop. Oh, here's a bebop. Ooh, drop a rebop. Oh, here's a bebop. Ooh, drop a rebop. Ooh, here's a bebop. Bientôt à la fin de la sélection, avant d'écouter la dernière sélection. Et avant de te laisser présenter plus longtemps Captain Biffard, juste signaler que nous sommes exactement 1h03 minutes d'émission. Donc il est très exactement l'heure qu'il était, plus 1h03 minutes quand vous avez démarré le début de la lecture de cette émission enregistrée en différé. Sauf si... Nous sommes le 31 octobre. Si vous écoutez cette émission le 31 octobre à 3h du matin, alors il est exactement l'heure à laquelle vous avez commencé à écouter, plus 2 minutes, puisqu'on est passé à l'heure d'hiver. Voilà, vous êtes sur Radio Radio Toulouse, 106.8, www.radiotoulouse.net, où vous nous écoutez plus probablement en différé sur le Mixcloud de Radio Radio. En tapant Mixcloud et Radio Radio, vous êtes tombé dessus et vous avez voulu écouter cette émission de vraiment autre chose. Peut-être que vous y êtes passé par le biais du blog et que vous êtes dit émission 170. Attention, c'est une dizaine, ça doit péter, ça doit être une belle émission. Et vous n'êtes pas trompé, c'est une très belle émission. Nous sommes toujours dans les hors-séries au pied de la lettre, à l'exploration de la Nurse with Wound List. Et nous en sommes à la lettre C. Et Tony, depuis une bonne demi-heure, nous fait découvrir l'univers du Captain Biffard au fil des années. Et nous en sommes à quelle année, camarade ? On est en 1972, on va pas écouter, hein. Il va sortir deux albums en 72, mais avec un son très propre, ce qui plaît pas trop à ses fans, il n'y a plus trop de guitare saturée. Ses musiciens, sa bande de musiciens, ils vont le quitter en 74. Après un septième album, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e album, Unconditionally Guaranteed, parce qu'il le juge trop sévère en 74. Il va ressortir un autre album, et là, ses fans vont plus l'appeler le Magic Band, ils vont appeler ça le Tragic Band. Voilà. Wow. Voyez-vous. Et en 75, son vieil ami Frank Zappa va le récupérer sur la tournée Bongo Fury. Ou alors, c'était pas très marrant parce que notre cher capitaine Cœur de Bœuf, il se trimballait avec toutes ses affaires dans un sac en plastique. Donc, alors, il avait ses œuvres d'art, des livres de poésie et un sax soprano. Et il le perdait partout. Et d'après Zappa, Zappa disait qu'il signait une ahurissante série de contrats avec tous les gars qui lui tendaient un stylo. Bon, après, ils se sont embrouillés tous les deux. Ils se sont traités tous les noms. Et après, bon, ça se finit bien quand même. En 78, Shiny Beast avec Bruce Fowler, des Mothers. En 80, le Doc at the Radar Station. Donc, il retrouve quand même sa patte hein, du Captain Beefheart. Et un dernier album, Ice Cream for Crow, en 1982, avant de tirer sa révérence. Et ça, moi, je trouve ça super classe quand même, voilà, de faire le tour de la musique. Et de s'adonner à la peinture, contrairement à Serge Gainsbourg qui a fait le contraire. Lui, bah voilà, il a fait de la musique, ses parents n'ont pas voulu qu'il fasse de la peinture. Et voilà, il a fini, je crois qu'il a vraiment fini sa vie à faire de la peinture chez lui, même si son groupe Magic Band s'est reformé au début des années 2000. Pour finir, avant le dernier morceau, les influences, donc ils sont nombreuses, hein, autant dans le punk, dans la new wave, donc on peut citer Père Ubu, Nick Cave, PJ Harvey qui écoutait ça toute petite avec ses parents, Divo hein, qui se revendique de Captain Beefheart, les Minutemen aussi qui étaient très très fans, les XTC et les Sonic Youth entre autres, et j'en passe des beaucoup moins connus. On va retourner en 1971 justement pour écouter un peu la moitié de l'album de Strictly Personal que son producteur avait sabré. Et on va écouter, alors c'est une petite dédicace à un ami, ce morceau qui s'appelle Candy Cane, qui dure 8 minutes et qui est vraiment magnifique. Et c'est vrai que pour mon cher ami Charlie, qui est tout jeune, qui est un grand fan de Captain Beefheart, c'est, voilà, selon lui, et c'est, je le suis complètement, c'est un très beau morceau de Captain Cœur de Bœuf. Voilà, merci Radio Radio. Yeah, orange and well, they look so good, I wanna eat 'em. Yeah, they taste so good, I get to eat 'em. It can't Thank you. c'était les Capitaine Cœur de Bœuf. Pour finir, j'ai entendu un truc très chouette l'autre jour, parce qu'il y a quand même un lien entre Frank Zappa et Captain Beefheart, mais là où Frank Zappa était très volontariste dans sa musique, ce qui est très étrange chez Capitaine Cœur de Bœuf, c'est ce rapport au corps, en fait, et justement aux arts plastiques, en fait. C'est-à-dire qu'on a une musique qui est très physique, en fait, qui est moins dans l'intellect, qui nous parle. On a l'impression de le voir, en fait. C'est vraiment très surprenant, l'œuvre de Captain Beefheart. Ouais. Ça reste, enfin, c'est, quand tu dis c'est pas intellectuel, ouais, c'est quand même assez complexe quand même, certaines choses qui sont jouées là, et il y a toujours cette petite base blues. C'est clair qu'il faut, je pense qu'il faut bien aimer le blues pour rentrer dans cet univers, mais à partir de là, il se permet quand même des déconstructions qui sont pas à piquer des hannetons. Et effectivement, je comprends que His Magic Band ait préféré devenir The Magic Band, parce que Mazette, ouais, le musicien qui l'accompagne, il y a niveau, quoi. Ah oui, tu m'étonnes, ouais. Ben, notamment, pas mal des anciens des Mothers, notamment, je crois que c'est pas Roy Estrada, je sais plus lequel, qui s'est fait virer des Mothers parce qu'il était sous acide et il avait pas branché sa guitare. Et on sait bien que Frank Zappa était très strict avec ça. Et voilà, il s'est retrouvé avec Captain Beefheart, ou peut-être qu'il y avait une autre direction de musicien, où ça se passait pas de la même manière, on va dire. Ouais, donc ça avait beau être un nazi, il tolérait les écarts de vie privée de ses musiciens, lui, parce que Zappa, ouais, pas trop. Ouais. Non, tout à fait, non. Donc voilà, merci pour, en tout cas, cette petite carte blanche à notre cher bon capitaine. Hein, C'était vraiment chouette de faire ça. C'était un sacré responsabilité de vous présenter. J'espère que je l'ai bien fait. C'était pas évident de servir dans tous ces morceaux, mais on a pu entendre pas mal de choses, je pense. J'aurais pu en écouter beaucoup plus, mais une grosse discographie quand même. Bah ouais, merci beaucoup d'avoir insisté pour t'occuper de Captain Beefheart et d'avoir pris le temps de nous présenter un peu l'œuvre au fil des années de ce bonhomme. Nico, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur Captain Beefheart et aussi sur l'influence qu'a pu avoir Captain Beefheart sur l'œuvre de Nurse with Wound? Je pense que c'est un génie. Et d'un côté, comme Tony a dit, il est un peu autoritaire tout d'un sens, mais de l'autre côté, il était aussi très humain, contradictoire que Frank Zappa, par exemple. Il y a Eric Drew Feldman, je ne sais pas si tu le connais, le musicien Eric Drew Feldman, qui a aussi joué avec Captain Beefheart quelques années après, je pense en 76, quelque chose comme ça, qu'il a commencé, qui a joué le clavier et plusieurs autres instruments. Et lui, son père habitait un ou deux rues d'à côté de Captain Beefheart. Et comme petit gamin, il a rencontré Captain Beefheart et ils sont devenus des amis. Et Captain Beefheart a lui invité un jour d'y aller ensemble à Frank Zappa. Je pense que Eric Drew Feldman était à ce moment-là 13-14 ans, quelque chose comme ça. Et donc, en arrivant chez Frank Zappa, Captain Beefheart a lui présenté, mais Frank Zappa a donné l'impression qu'il n'existait pas du tout. Il n'a quand même pas lui offri un verre de l'eau, rien du tout. Et c'était vraiment dans l'été, que c'est très, très chaud. Il était vraiment soif, mais il n'a pas du tout reçu un verre de l'eau. Et donc, c'est un peu l'histoire qu'Eric Drew Feldman a raconté un jour. Parce qu'Eric Drew Feldman est aussi un membre et actuellement encore, un membre de The Residents. Et aussi de Snakefinger et de Père Ubu, comme tu viens de l'annoncer aussi, un peu l'influence de quelques groupes. Les Pixies. Les Pixies, merci, tout à fait. Ah oui, en effet. Deus, Pixies. D'accord. et donc, il racontait, il disait, mais c'est bizarre, tu vois. Frank Zappa, il est souvent donné l'impression qu'il est beaucoup plus accessible et toutes des choses comme ça que Captain Beefheart, mais pour Eric Drew Feldman, c'était vraiment le contraire. Pour les gens humains, il était beaucoup plus accessible. Peut-être pour les musiciens, il était peut-être plus exigeant, mais pas au niveau de la vie autour qui a rien à voir avec la musique. Ouais. Et comment est-ce que tu a eu le temps de réécouter, je ne sais pas, mais c'est peut-être que tu as réécouté tous ces albums de Captain Beefheart en nouveau pour faire ta sélection. Parce que, pour moi, souvent, c'est difficile d'écouter deux, trois albums de suite de Captain Beefheart. Pour moi, c'est une fois que j'ai écouté un, pour moi, ça suffit pour plusieurs semaines. Oui, j'aime bien ça. Bah, moi, je n'ai pas écouté tous les albums en entier non plus, hein, je te l'avoue. Hein. J'ai fait des sélections un petit peu rapides et instinctives, on va dire. Très instinctives. Très instinctives. Tu vois, j'étais très content de trouver ce morceau qui me faisait beaucoup penser à Tom Waits, hein, mais vraiment sur ce troisième, quatrième album. Et j'avais des restes quand même, parce que j'écoutais ça quand j'étais jeune. Donc j'avais quand même des restes qui me sont restés dans la tête. Voilà, j'essaie de faire une. J'ai un peu l'habitude de faire ça comme toi, Nico. Donc, on a des automatismes aussi de sélection. Après, c'est sûr que c'est très dense. C'est très dense. C'est écouter un album en entier, c'est très dense. Comme tu dis, tu fais ça une fois. Ça remplit bien ta tête quand même. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc c'est un peu comme sûr comme du lait. Ouais, c'est tout à fait. Ouais. C'est un peu comme sûr comme du lait. J'aurais bien voulu traduire une chanson, mais ça me paraissait un peu compliqué. Je pense que mon ami Google m'aurait pas vraiment aidé. C'est un peu comme les chansons de Frank Zappa. Des fois, c'est un petit peu dur à traduire puisqu'il y a beaucoup d'argot et beaucoup de poésie aussi. Donc, c'est pas facile à traduire. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que c'est depuis qu'on se livre à cet exercice de défrichage et déchiffrage de cette Nursery Zone List, j'ai noté moi-même que c'était plus dur, je trouve, de faire une sélection de groupes dont on connaît la musique et les albums que de groupes ou d'artistes qu'on découvre. Voilà, ouais. Je voulais vous faire part de cette réflexion comme ça, là en passant, je trouvais ça sympa. Ouais, tout à fait. Mais aussi ici, comme Captain Beefheart, il a réalisé quoi, une quinzaine ou une dizaine d'albums dans cette période-là. C'était énorme. Pour faire une sélection avec beaucoup d'autres groupes, il y en a souvent deux, trois albums où on doit faire un choix. Ça va encore, mais plus que 10 albums et encore quelques doubles dedans. ouais. Après, on aura peut-être l'occasion de réécouter un ou deux morceaux dans un temps futur, quand nous en serons à la dernière lettre. Puisqu'il y a quand même des enregistrements de jeunesse avec Frank Zappa qui sont vraiment remarquables. Donc sûrement qu'on aura l'occasion de réentendre sa voix dernière émission. En plus, voilà, on s'était dit que la toute dernière émission serait consacrée intégralement à Frank Zappa quand on aura fini avec la lettre Z à part Zappa. On a été... merci beaucoup les copains, je prends la main à mon tour, on revient en France. On a parlé depuis qu'on aborde cette Nursery Zone List, on a parlé de musiciens, bien sûr, de groupes de musique. On a parlé de poètes sonores et de jeux entre la poésie et la musique. On a parlé très récemment, notre ami Guénolé nous a présenté comme ça au débeauté une troupe de théâtre qui s'était alliée à un groupe, je vais dire vite fait, de krautrock pour sortir un album. Là, je vais vous parler d'une troupe de théâtre... qui comporte de la musique, une troupe de théâtre qui choisit ses comédiens et des musiciens et des comédiens qui savent jouer de la musique. Il s'agit du théâtre du Chêne Noir qui apparaît dans cette liste, donc au nom de Chêne Noir. Le théâtre du Chêne Noir, c'est aussi un lieu dit à Avignon, une bâtisse religieuse désacralisée et qui abrite des concerts, des enregistrements d'albums. Steve Lacy notamment a enregistré un album là-bas au début des années 70 et qui abrite aussi donc cette troupe, le théâtre du Chêne Noir, troupe fondée en 1966 par un certain Gérard Guélas qui avait alors 19 ans. Et vraiment le principe de cette troupe, c'est que la musique fait partie de la construction théâtrale et comme je le disais, on a des comédiens, des musiciens, mais aussi des comédiens musiciens. Et d'ailleurs, au niveau des voix, tout le monde s'y prête. Voilà. Et la troupe née en 1966, comme je le disais, donc on est sur une France pré-1968. Il y a vraiment une effervescence en France à ce moment-là. On cite assez souvent des groupes français dans cette Nursery Zone List, et c'est pas pour rien, parce qu'il y a vraiment, avec des idées politiques de liberté, d'émancipation qui se développent en France, ça se ressent vachement au niveau de la création musicale. Ça se ressent notamment chez les gens du Chêne Noir, et il y a aussi deuxième très forte influence dans la musique française de l'époque, c'est l'arrivée de musiciens américains qui viennent très souvent jouer en France, y faire résidence, tout bêtement parce qu'ils y sont beaucoup mieux accueillis que dans leur pays. Ils y retrouvent des conditions de jeu et aussi de l'argent largement plus... Bon, c'est beaucoup plus facile qu'aux États-Unis où c'est très compliqué à l'époque pour une certaine forme de musique. Pour le jazz et surtout pour le free jazz, il y a beaucoup de musiciens de free jazz américains qui soit s'exilent en France, soit ils tournent régulièrement. Je vous ai parlé de Steve Lacy, on pourrait parler de l'Art Ensemble of Chicago par exemple, que carrément ont dû fuir les États-Unis et se sont réfugiés en France. On les retrouve notamment aux côtés de Brigitte Fontaine. Enfin, c'est une autre histoire, mais tout ça pour dire que voilà, en France, il y a à la fois une effervescence politique, une effervescence sociale et aussi une effervescence musicale, notamment apportée par l'arrivée du free jazz américain qui arrive en France comme une bombe et qui influence énormément de groupes, dont le théâtre du Chêne Noir. Que dire sur eux? Comme je vous le disais, vraiment, c'est du théâtre en musique, c'est de la musique théâtralisée. Les deux ne sont pas séparables. Donc au tout début, les premiers pas du théâtre du Chêne Noir, tout ce qui est musique, c'est plutôt de la reprise, du Ravi Shankar, du Pierre Henry, du John Coltrane, ou alors quelques petites compos personnelles. Et puis au bout d'un moment, ils finissent par développer leur univers théâtral et musical bien à eux, plus besoin de jouer des musiques déjà écrites, ils composent des musiques pour leurs pièces de théâtre. Ils sortent un spectacle, La paillasse au sein nu, à la fin des années 60, qui leur vaut carrément une interdiction de jeu parce que ça allait contre les mœurs de l'époque. Bon, je ne sais pas ce qui s'y passait, mais avec le nom de la pièce, je peux imaginer que, effectivement, dans une France un peu pudibonde, une pièce qui s'appelle La paillasse au sein nu, ça pouvait passer moyen. Et du coup, ils ont été carrément interdits, ce qui leur a valu un soutien. Français et européen de pas mal d'artistes indépendants, et notamment Federico Fellini, qui veut absolument les rencontrer, qui les fait venir en Italie. Ils reviennent en France un petit peu plus tard, et c'est en 1971 qu'ils sautent le pas, si j'ose dire, c'est-à-dire, en plus de faire une pièce de théâtre, ils décident de sortir un album à partir de leur pièce de théâtre « Aurora », qui est une pièce un peu mystique, donc la cosmologie parle d'hommes-oiseaux qui passe de planète en planète pour coloniser des pays et qui arrive en France pour coloniser la France, sur la Terre, pardon, pour coloniser la Terre. C'est encore plus large que ça, la cosmologie du théâtre du Chêne Noir sur cette pièce, Aurora, donc qui sort en 71. Je vous en aurais bien mis un extrait, mais franchement, quand il n'y a pas la pièce et le visuel, je trouve que ça souffre un petit peu. Il y a un morceau instrumental qui est sympa, mais tout le reste qui est raconté, ça s'écoute, je trouve, moyennement sans la pièce. Alors qu'en 1976, ils sortent leur deuxième album, toujours une pièce de théâtre mise en musique. Et là, par contre, pour le coup, voilà, la musicalité est beaucoup plus avancée. On va s'écouter, voilà, histoire de rentrer un peu dans l'univers du théâtre du Chêne Noir, donc ce théâtre clamé et mis en musique. On va s'écouter donc le titre qui ouvre l'album Chant pour le Delta, la Lune et le Soleil. Donc il sort en 1976. Et le titre qu'on va écouter qui ouvre l'album, c'est Le Train. Donc vous allez voir, il y a cette influence un peu free jazz américaine dont je vous parlais. Et cette façon qui leur est assez propre. De nos jours, c'est plutôt commun. À l'époque, ça se retrouve rarement. Cette espèce de spoken word, comme ça, de raconter un univers, de parler sur de la musique. Et c'est hyper bien fait. On va s'écouter ça de suite. Donc, Le Train du théâtre du Chêne Noir. On est en 1976. Près de la femme aux yeux de nuit, et dans les temples secrets, fais pour moi des colliers en nuages. Sois les rails et la nuit. la route des enfers et ne t'arrête pas, même si tu vois le panneau éternité, car nous n'avons plus le cœur au solde. J'ai besoin d'une musique et de la mer et du delta pour écrire en italique tout le sang, le désarroi d'un homme. Votre, va au ciel si tu peux. Et l'étoile, je joindrai les mains car il n'y aura plus de route indiquée. Aux aurores, nul ne me fermera les yeux et mon souffle à nouveau réchauffera tes paupières. À toi, mon double, si loin dans un autre train, et la vieille planète Terre se tordra comme un chiffon de vaisselle en voyant l'un de ses fils à elle se balader là-bas, aux confins des ballons-sondes, sans billets, sans parachute, sans passeport, sans avenir, sans passé, sans rien qui puisse permettre une identification, pas même une amourette ou la photo jaunie d'un tour de piste à deux dans une fête foraine. Va, train, va au ciel, si tu peux. Du Chêne Noir à l'instant sur Radio 106.8. Nous sommes toujours au pied de la lettre C de la Nursery Swan List et C comme Chêne Noir. Donc on vient d'entendre Le Train qui ouvre cet album Chant pour le Delta, la Lune et le Soleil paru en 1976. Produit donc de cette chose hybride, mi-pièce de théâtre, mi-groupe de musique, qui s'appelle le théâtre du Chêne Noir. Vous connaissiez les copains ? Pas du tout. Non, moi non plus. Ok, bah, comme je vous le disais, c'est quand même hyper représentatif de ce qui se passe à l'époque en France, donc cette émergence d'une nouvelle scène qui casse un peu les codes, et là on peut parler de dimension pluri-artistique même, et que dire de plus, il y a aussi une dimension aussi politique qui ne s'entendait pas trop sur ce morceau-là, mais qui s'entend pas mal sur d'autres morceaux. Je crois qu'il y a plus grand que vos intérêts qui ne sont pas les nôtres, je crois qu'il y a plus grand que la richesse et plus grand que le pouvoir et les nouveaux esclaves, clame notamment la chanteuse dans la pièce Hey, une pièce de 15 minutes qui est un des sommets de cet album et qui s'écoute avec plaisir. Mais c'est pas ça que j'ai choisi. Moi j'ai choisi la 7, parce que je trouve que ça représente bien aussi la poésie de cette troupe-là et des textes de Nicole Obia, qui est la chanteuse, slameuse, réciteuse, comédienne de cette troupe. Là, la 7, en fait, ça parle d'un voyage en voiture sur une autoroute. Rien qui fasse vraiment rêver, mais quand c'est mis sous la plume de poésie, de poète de talent, eh ben, ça donne un texte plutôt chouette. Et c'est une des spécificités, je trouve, de ce groupe-là. C'est qu'en dehors de raconter des cosmologies, parfois, elles arrivent un peu à un truc banal du quotidien et te le transforment en gros morceaux bien planants avec des texte assez fou par-dessus et qui raconte quelque part le quotidien mais en le sublimant. C'est ce qu'on aime bien aussi chez les artistes quand ils sont inspirés, de sublimer le quotidien, et ils y arrivent bien. Le théâtre du Chêne Noir, donc encore un extrait donc, de cet album Delta, chant pour le Delta, la lune et le soleil. Donc le titre qu'on va s'écouter, c'est la 7, c'est le nom de l'autoroute. L'homme-là se baladait dans une vieille forme, rachetée aux fleuristes des ferrailles abandonnées. Et nous roulions au long du fleuve transformé en autoroute. Et personne, ni Rimbaud, ni ce poète inconnu abandonné dans une salle d'égyptologie au musée du Louvre, personne ne chantait plus la 7. Quand on disait la 7, on découvrait un type qui remontait les sentiers de votre enfance et vous entraînait vers les collines où les genêts d'or parlent du port. Quand on lisait la 7, on entendait la mer comme dans un de ces coquillages d'autrefois posés sur le marbre de la table de chevet. Et je me baladais dans cette vieille Ford quand halte, péage, Avignon. 13 francs 50. Avignon, Avignon. Alors le type, comme tout homme, l'homme à la vieille Ford, quoi. Ce type, cet amour, cette conversation de moi-même, celui-là, il tourne le volant et le monde. Et nous remontons vers Lyon comme une bulle de ferraille, vers Fezin. Et les premières cheminées d'usines se projetant sous la grisaille et dans les feux de brouillard où nous dissimulons notre appréhension de ne jamais retrouver la 7. Et ce panneau, il n'y avait pas écrit péage, mais seulement la direction d'Avignon au carrefour des Aubépines sous le regard de ma vieille amie Nadja. Pardon, pardon. Vieux truc accroché à la portière comme le stupide voile blanc des mariés coin-coin. Pardon, pardon le monde, nous cherchons la 7 et ces matins. Seulement la 7, seulement la 7, connaissez pas la 7 au long du Rhône. Vous savez, ce fleuve qui vient de Suisse et qui se jette dans la Méditerranée, hors géographie. À deux pas du delta du Nil, son vieux compagnon de voyage qui lui apporte des nouvelles du ciel, quelque part dans les palais souterrains de Notre-Dame, la terre sous la mer. Pardon, pardon le monde, vieux truc grimaçant comme les peuples des verseurs de poison. Pardon, pardon le monde, nous cherchons le Rhône. Vous savez, ce fleuve qui coulait autrefois le long de la Sète, le Rhône. Cette enfance, cette abondance et ces inondations, le Rhône et cette odeur de printemps, et l'amour sur le lit de ces galets drap blanc découverts par l'été. Nous cherchons le Rhône comme une part de nous-mêmes, comme la roue des phares et sa lumière. Car vous ne croyez tout de même pas qu'un homme dans ce que vous appelez le présent. Je vis aujourd'hui, quand les pyramides dérivaient sur le Rhône, et que les Arlésiennes chantaient la vallée des étoiles dans la barque du soleil. Je vise aujourd'hui avec tous ceux qui ont vécu sur les routes d'hier. Aujourd'hui, quand les tamaris du delta nous servaient de litière pour le repos après la course des oiseaux. Je vise aujourd'hui quand la vieille Ford nous servait de volière sans vitre. Je vise aujourd'hui au siècle des princes déchus avec les peuples triomphants et ce vieux syndicaliste qui me disait « Merde, c'est dommage qu'il n'y ait plus de grève de papillons. On s'amusait bien quand même avant la révolution. » Je vise aujourd'hui avant la mort, avec la mort et toutes ses passions. Près du Rhône aujourd'hui, quand il ne souffle plus les contes d'Andersen aux oreilles des enfants de la Sète, quand il n'y a plus de Sète et plus de Rhône. Je vis quand même aujourd'hui près du Rhône, aujourd'hui à 20 000 galaxies sous tes yeux un peu, comme on vivrait dans une valise à double fond mais transparente. Je vis dans le détroit de l'imagination. Quelque part, entre la lune et le soleil, entre Avignon et le Delta. C'était la voix de Nicole Obia dans la troupe du théâtre du Chêne Noir. L'album, donc, on est en 1976, chant pour le Delta, la Lune et le Soleil. Il y a dans ce groupe et dans cet album beaucoup d'amour pour l'Égypte, en tout cas en termes poétiques, ça se ressent pas musicalement, mais alors au niveau de la poésie, ça se ressent pas mal et c'est plutôt bien réussi. Bah, que dire de plus, un autre album verra le jour en 78 ou 79, je me souviens plus, j'ai pas mes notes. Orphée 2000, donc une variation sur le thème d'Orphée et Eurydice. Un album qui sera musicalement beaucoup plus produit et du coup, à mon sens, on perd un peu du charme un peu naïf et frais qu'il y a dans cet album-là, qui reste mon préféré des trois albums édités à ce jour par cette compagnie, par le Théâtre du Chêne Noir. Que dire de plus encore, que cette compagnie a continué à exister au fil des ans et existe toujours à ce jour d'ailleurs. Je me suis rendu compte sur notre ami Google que le Théâtre du Chêne Noir était une compagnie encore existante et qu'elle était dirigée par un homonyme, peut-être le fils ou quelqu'un de la famille de Gérard Gélas. En tout cas, il y a encore un Gélas, Julien Gélas, qui est à la tête de cette troupe, le Théâtre du Chêne Noir, mais qui n'a pas sorti d'autres albums. Je pense que le côté musical, voilà, ils en sont sortis au bout d'un moment et ils ont continué plutôt à explorer au niveau du théâtre. En tout cas, voilà, un de ces projets hybrides qui fleurent bon le cassage de murs et de barrières qu'il y avait dans les années 60, enfin, fin des années 60 en France. Ça m'a fait penser à Diabologum un petit peu, à ce morceau sur La maman et la putain de Jean Eustache, pas le monologue féminin, très cinématographique, encore que là, c'est du théâtre. Ouais, ça me fait un peu penser à ce côté un peu banalisation sublimation de choses quotidiennes assez simples. Là, elle nous raconte qu'elle prend la voiture sur une autoroute et elle en fait un poème complètement fou qui finit par être une dénonciation de nos sociétés de consommation actuelles. Ça me fait penser un petit peu à Poulenjard. Des fois, ils partent un petit peu vers là, sur des petites choses banales pour les transformer, ce qui est quand même pas très facile, et pour les sublimer, en faire quelque chose de beau. Et le rapport avec l'Égypte, je comprends pas. Bah, j'ai pas choisi vraiment les morceaux qui illustraient le mieux ce rapport avec l'Égypte, mais je pourrais te passer cet album en off. Mais effectivement, on y voit le rapport avec l'Égypte, avec les oiseaux venus d'Égypte notamment. Il y a une très belle pièce que je te passerai en fin d'émission. Tiens, tu sais quoi, quand on aura fini de faire le récap, je mettrai un dernier morceau qui s'appelle Les oiseaux et qui est très très beau, plus expérimental un petit peu que ce que je vous ai fait écouter jusque-là. Peut-être que c'est ça qui a tapé dans l'oreille de Stephen Stapleton, allez savoir, ou peut-être la beauté des pochettes. On ne sait jamais trop comment ces petits bijoux se sont retrouvés sur cette liste. En tout cas, heureusement, parce que ça nous permet de les réécouter. Et ça leur permet d'être réédités. C'est toujours nos amis de Souffle Continu qui ont réédité ces deux albums, Aurora, dont je vous parlais tout à l'heure, et celui-ci, donc Chant pour le Delta, la Lune et le Soleil. Nico, c'est à toi, mon bon. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le Chêne Noir ? Je pense que ce qui pourrait vraiment intéresser Stephen Stapleton, c'est peut-être le mix entre le théâtre et la musique et de la performance, des choses comme ça. Le dadaïsme, peut-être qu'il y a un petit quelque chose de dadaïsme dans sa formation. Dans l'approche, en tout cas, oui. Enfin, en tout cas, au niveau des textes, c'est une influence que l'on ressent, ouais. Et donc, parce que ça, c'est quand même aussi une source qui était assez importante pour Stephen Stapleton, le dadaïsme, le théâtre, toutes des choses comme ça. Donc, probablement que c'est pour ces raisons-là qu'il a découvert ce théâtre. Qui le sait ? Faudra que tu le redemandes à l'occasion. Et toi, tu voulais nous parler de qui maintenant ? Maintenant, je vais m'occuper un peu d'un Irlandais qui s'appelle David Cunningham, qui s'installé à Londres déjà depuis un très longtemps, dans les années 70 quelque part, pour développer ses compétences artistiques. L'œuvre de David Cunningham ouvre de nombreux genres musicaux et comprend des travaux pour la télévision, le cinéma, la danse contemporaine, ainsi que de l'importance collaboration avec des artistes visuels et des cinéastes. Il a connu son premier succès commercial important avec l'album Money de The Flying Lizards, un succès international en 1979. Et oui, The Flying Lizards, ils sont aussi repris dans la liste North Sweet Wound. Et là, je vous conseillerais vraiment d'ouvrir les oreilles le jour que ce groupe passe dans cette émission-ci. Mais aujourd'hui, on va quand même écouter plutôt la musique de David Cunningham, et c'est ce qu'on va faire avec un premier morceau qui vient de son tout premier album, qui s'appelle Grayscale, et le morceau qu'on va écouter, ça s'appelle Bolivia. Thank you. Voilà, c'était le morceau Bolivia de David Cunningham qui était sorti sur le label Piano Records, qui était sorti en 76, mais sur l'album même il est indiqué 77. Le label Piano a été créé en 76 par David Cunningham, initialement pour fournir un débouché à Grayscale, son premier album de musique systématique expérimental. Le succès initial de cet album a conduit à une série continue de projets. Certaines apparaissaient comme des sorties piano, d'autres, en réponse aux défis de stockage et de l'administration, apparaissaient sur d'autres labels avec une distribution appropriée. La musique se concentre sur ce que l'on pourrait décrire comme des hybrides et de la musique minoritaire. Les sorties sur le piano ont tendance à avoir une relation avec des arts visuels et la performance. Les premières années ont vu naître le premier album de This Heat, deux autres albums de Michael Nyman, y compris de la musique de Nyman pour le film de Peter Greenaway de Droughtman's Contract. Et on va écouter un deuxième morceau de le premier album sur ce label-là qui s'appelle Grayscale et c'est le morceau Ecuador. De David Cunningham qui venait de son tout premier album Grayscale sorti en 76. C'est un album solo, mais de temps en temps on a quand même l'impression qu'il y a encore des autres musiciens qui jouent à côté de lui, mais si j'ai bien compris, non, c'est un solo. Et depuis la sortie, j'ai eu l'occasion d'écouter cet album là, Grayscale, justement là, ouais. Je me suis fait une petite semaine écoutant un peu certains des albums de cette lettre C, et je voulais juste souligner que c'est un album mortel, vraiment je recommande particulièrement à toute personne qui se laisse prendre et se laisse aller dans les musiques répétitives et la trance qu'elle peut procurer. Là, on est en plein là-dedans. En fait, le concept de cet album, j'ai lu ça sur un site, et reprends-moi si jamais je me trompe, mais apparemment, le concept, c'est de jouer un plan à l'infini jusqu'à ce qu'il y ait un accident. Et s'il y a un accident, oups, ah, merde, j'ai raté une mesure, j'ai raté une note, etc. Et ben, l'accident devient à son tour le plan à jouer en continu, quoi. Ce qui fait que ça donne un effet, comme on a pu l'entendre là sur les deux titres que tu viens de nous faire passer, un effet assez répétitif. Et oui, que ben, je me répète un peu, mais ça met dans un état de transe qui est très très agréable. Bah, à l'instar des premiers albums de Steve Reich, par exemple, ou de Terry Riley, la musique répétitive. Oui, oui, c'est ça, c'est la musique répétitive, musique sérielle. mais effectivement, mais il y a aussi quand même une grande différence, parce que ces morceaux-là, sur cet album-là, sont presque uniquement des morceaux de 2-3 minutes, et qu'en général, la musique minimale, c'est plutôt des morceaux de 7, 10, 15 minutes. Donc là, c'est une grande différence qu'il arrivait quand même de le réduire et de créer son, de s'exprimer dans quelques minutes. Et je pense que c'est vraiment la chose qui fait que cet album-là est brillant, que c'est que des petits morceaux, et chaque fois, il rentre dans un autre univers. Ouais, il faut le faire. Ouais, carrément. Et en même temps, c'est des petits morceaux, et quand on fait une écoute en fermant les yeux, enfin en tout cas en déconnectant de tiens, est-ce que je suis passé un morceau à un autre, il y a vraiment un effet tout au long de cet album vraiment hypnotique et hyper réussi. Grayscale. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, je pense qu'il faut pas trop dire autour de cet album-là. Il faut justement écouter de la musique. Et donc, peut-être qu'on va écouter un tout dernier morceau qui vient de cet album-là. Le morceau s'appelle Venezuela 1, donc qui vient aussi de Grayscale. Thank you. Venezuela 1 de David Cunningham, de son tout premier album Grayscale, qui était sorti en 76 ou 17 sur le label Piano Recordings de lui-même aussi. Et donc, une chose que je vous conseille aussi, si que vous écoutez cet album-là, il y a quand même une grande différence si que vous l'écoutez avec un casque ou avec sur les enceintes. Et je préfère quand même avec un casque où qu'on entend vraiment tous les petits détails en plus. Ouais, je ne sais pas comment est ton expérience à ce niveau-là, Manu. Au casque. Ouais. J'ai écouté ça cette semaine au casque. Pour tout te dire, j'étais en train de me balader en vélo. J'adore écouter de la musique quand je suis en vélo. Et j'ai rallongé mon parcours exprès pour finir. J'étais arrivé à destination, je me suis refait une petite boucle de plus pour finir l'album parce que c'était vraiment une très très belle expérience d'écoute. Ouais, carrément un album à recommander. Encore un petit chef-d'œuvre découvert grâce à Stephen Stapleton. Tout à fait. Il est exactement 2h01 de plus que quand vous avez commencé à appuyer sur play sur le lecteur que vous êtes allé chercher sur le Mixcloud de Radio Radio ou sur le blog de Vraiment Autre Chose, qu'importe. Ou peut-être que vous nous écoutez en rediffusion sur 106.8. Toujours est-il que c'est toujours au pied de la lettre numéro 8. Tentative d'exploration radiophonique de la Nurse Quiz One List. Nous avons attaqué la lettre C avec les camarades Tony et Nico. Rebonsoir, messieurs. Bonsoir. Bon, mais merci encore d'être avec moi pour cette aventure radiophonique de grand intérêt. Je vais maintenant parler du Coelmec ensemble. Vous l'avez compris, ce soir, je m'attache un peu à parler de la scène française et de l'effervescence à la fois musicale et politique et des liaisons, des interactions qu'il y a entre ces deux données-là. Sur la scène française, donc des années 60 aux années 80. Et je vais vous parler maintenant du Coelmec ensemble. Donc pourquoi Coelmec ? Tout bêtement parce que c'est un mix du début des noms de famille des musiciens qu'on retrouve dans cet ensemble. C'est Jean Cohen qui est au sax, Dominique Elbaz au piano, donc Coel, et pour mec c'est Mechali, deux musiciens. François Mechali, un contrebassiste, et Jean-Louis Mechali, un batteur et vibraphoniste. Alors pour la petite anecdote, au début c'était Jean-Louis Mechali qui était contrebassiste dans la fratrie. Et puis il y a un petit accident de voiture, sans gravité mais avec un peu de gravité, fait qu'il perd un petit peu au niveau des doigts et c'est plus trop possible pour lui de s'imaginer en contrebassiste professionnel. À ce moment-là, les deux frères signent un contrat carrément, ils écrivent sur papier, on échange nos instruments, maintenant c'est moi le batteur et c'est toi le contrebassiste. Et c'est comme ça que naît le Coelmec ensemble, tout bêtement parce que les frères Mechali, leur maison était pourvue d'une cave propice aux répétitions, et ça commence en 1969, la création de ce groupe-là, les répètes, donc dans les caves des frères Mechali, ça répète au taquet, ça jam du feu de Dieu, et puis on est à Paris. Je vous ai parlé de cette petite effervescence musicale qu'il pouvait y avoir en France à cette époque-là, et notamment tous ces musiciens de free jazz qui soit s'exilent carrément en France, soit juste ils viennent donner leur musique devant un public plus attentif et dans des conditions bien meilleures que dans leur propre pays. Donc on les retrouve souvent, et notamment l'Institut américain, où chaque semaine, je crois que c'est chaque jeudi soir, il y a des concerts, et dans tous les bars et dans tous les lieux de Paris, la musique free jazz américaine est très présente et très représentée, donc forcément ça influence pas mal de musiciens, dont les musiciens du Coelmec ensemble, donc ils se lancent pour créer leur groupe. Après, leur créneau, comment le définir ? Il y a deux choses. D'abord, ce rapport dont je parle à la musique free jazz, c'est-à-dire qu'ils adorent cette musique-là, ils l'écoutent, mais ils ne se sentent pas légitimes à jouer une musique comme ça, n'ayant pas ses racines américaines, n'ayant pas cette histoire à raconter. Sur le free jazz, en dehors d'être un style musical, ça, c'est aussi un mouvement musical et politique qui raconte l'histoire des musiciens de jazz noir d'Amérique et le le rappel à l'Afrique, l'oppression, enfin c'est une musique de rage, une musique de colère, et les musiciens du Coalmex se disent « bon ben ouais, c'est super, c'est sûr, ça nous influence dans notre jeu, mais nous on n'a pas cette histoire-là, on peut pas se permettre de raconter ça, ce serait fake, donc on crée notre propre style ». Et leur style, ben, il est justement, c'est un truc un peu hybride, à mi-chemin entre le free jazz et la musique de chambre, c'est un peu comme ça que je définirais cette musique. En tout cas, c'est ce qu'on entend dans l'album Hippotigris Zebra Zebra, leur premier album sorti en 71, donc c'est Hippotigris Zebra Zebra, c'est le terme latin pour désigner le zèbre, et c'est aussi donc le zèbre serait une espèce de cheval tigre, ça leur correspond bien ce côté justement hybride dans cet animal, bah, qui est hybride aussi dans leur musique, et donc sortent leur premier album Hippotigris Zebra Zebra, qui a un certain succès et dont on va s'écouter de suite un titre qui s'intitule Asia Minor, et puis je reprends le récit de cette histoire du Coalmec juste après. Asia Minor, donc dans Radio Radio. Le Coalmec ensemble à l'instant sur Radio Radio, le titre Asia Minor. C'est la sortie de cet album Hippotigris Zebra Zebra, qui a un petit retentissement, même un gros retentissement en fait. À vrai dire, le Coalmec ensemble devient un peu la coqueluche de toute la presse et la scène d'avant-garde de Paris, notamment Delphine de Ton de Charlie Hebdo, sans tige de ce groupe. On parle très régulièrement dans Charlie Hebdo, dans Actu actuel. Il y a un peu toute la presse qui représente à l'époque la contre-culture, Harakiri, enfin toute cette presse-là. Et le Coelmec Ensemble aussi obtient de la ville de Paris, enfin la suite de négociations, on aimerait bien jouer dans des parcs. Ils obtiennent de jouer gratuitement tous les samedis dans des parcs pour les gens, en échange d'une petite prise de courant pour pouvoir sonoriser un peu l'affaire. Et voilà des gens qui jouent toutes les semaines, pendant des heures et des heures, qui jamment devant un public nombreux, il y a jusqu'à 5 ou voire 10 000 personnes qui viennent les voir. Voilà, un groupe qui ne passe pas dans les ondes, qui n'est pas connu, qui n'est pas dans la presse spécialisée, mais qui fait vraiment son bonhomme de chemin et rencontre son public. Et voilà, que dire de plus sur ce groupe ? Ouais, je vous parlais des spécificités tout à l'heure. Il y a une autre spécificité qui est hyper importante dans ce groupe-là, c'est que on parlait de la petite vague politique qui s'empare de la France à ce moment-là. Eux sont en plein dedans, ils ne s'appellent pas Ensemble pour rien, c'est-à-dire que tous les morceaux... Les structures des morceaux qu'ils jouent, c'est le fruit de travail, de discussion, jusqu'à ce que tout le monde soit d'accord. Il n'y a pas de leader dans ce groupe, il n'y a pas de compositeur. Le Coelmec Ensemble est un ensemble, y compris au niveau de l'écriture de sa musique, ce qui lui donne un son aussi assez particulier qu'on retrouve dans l'album Next, qui est leur album suivant, qui sort en 1972. Mais là, c'est plus tout à fait la même expérience. Ils ont signé chez un gros label, dont le nom que j'ai pas noté, bêtement. Et... se retrouve avec un ingénieur du son qui avait l'habitude de... Enfin, sur le premier album, on se pointe dans le studio, on jam, c'est enregistré, puis on garde ce qu'on a envie de garder. Là, non, le gars arrive avec des idées très précises, il me faut un morceau de 4 minutes, il me faut des choses punchy à cet endroit-là, enfin, vraiment... Et eux se laissent guider pour voir un peu ce que ça va donner, et ils étaient partis dans l'idée d'enregistrer un album plutôt festif, plutôt représentatif de leur prestation scénique gratuite, et au final, c'est un objet un peu vraiment différent au niveau du son du premier album. Déjà, il y a un petit changement de casting. Exit le piano, exit Dominique Elbaz et place un guitariste pour un son donc un peu plus électrique, un peu plus jazz, un peu plus produit. Voilà, je dirais que cet album a au final un meilleur son que le premier. Mais j'aurais voulu entendre les compos du premier avec le son du deuxième, voilà, je dirais. Parce que je préférais ce qu'ils racontaient musicalement dans leur premier album. Mais cet album Next vaut carrément aussi le coup d'oreille. Et puis d'ailleurs, je vais vous le prouver, on va jeter justement une petite oreille attentive sur cet album-là. Le titre qu'on va écouter s'appelle « Culculine d'Ancône ». Allez, c'est parti, Coelmec Ensemble, album Next, on est en 1972. Et c'est sur cette magnifique passe d'armes entre les frères Metchali, la contrebasse répondant à la batterie. Et quand on sait que, au début, chacun était parti sur un instrument, sur l'instrument de l'autre, et ma foi, ce petit changement n'était pas anodin et ça a produit quelque chose de très beau. En tout cas. Ça joue hyper bien. Voilà, c'était un extrait, donc c'était le Coel Mec Ensemble à l'instant, un extrait de l'album Next. On était en 1972. Et c'est là-dessus que se termine cette homérique et combien belle émission, 8e émission au pied de la lettre de Vraiment Autre Chose. Et il est venu le moment de l'interminable récapitulatif de fin d'émission. On a écouté beaucoup de belles choses ce soir. Et on a commencé, si je ne m'abuse, par Cro-Magnon, Nico. Tout à fait. Donc on a entendu deux morceaux. Le premier était Caledonia et le deuxième était Fantasy. Les deux venaient de leur tout premier album qui a comme titre Cro-Magnon, mais attention aussi Orgasme. Ou encore Cave Rock, c'est comme vous voulez. Donc c'était sorti en 69 sur ESP Disc. Ensuite, c'est Tony qui nous a raconté longuement la carrière du Captain Beefheart. Qu'est-ce qu'on a écouté, oui. Tony, ce soir? On a écouté 5 albums en tout. Le Safe as Milk, le premier album en 67. 2 morceaux dont je ne me souviens plus des noms. Le Strictly Personal en 1968. Le Throat Mask Replica, produit par son grand ami Frank Zappa en 1969. En 1970, c'était 2 extraits de Lick My Dickles of Baby. Et pour finir, on a écouté un morceau de The Mirror Man Sessions en 1971. Ensuite, on est passé en France et plus précisément à Avignon ou en Avignon, on peut dire les deux, avec le Chêne Noir, la compagnie du Théâtre du Chêne Noir. On s'est attardé sur l'album Chant pour le Delta, la Lune et le Soleil, paru en 1976, avec les titres Le Train, suivi de la 7. Ensuite, on est parti en Irlande. Oui, Irlande et non. Parce que maintenant il habite à Londres, donc c'est l'Angleterre. mais ça reste dans le même esprit un peu. Donc, c'était David Cunningham et on a entendu trois morceaux qui venaient de son tout premier album qui s'appelait Grayscale. Et le premier morceau s'appelait Bolivia, le deuxième c'était Ecuador et le troisième c'était Venezuela. Oui, trois pays peut-être à visiter. Peut-être aussi en écoutant à ce moment-là l'album qui était sorti sur Piano Recordings en 1977. Et en écoutant au casque si c'est possible, parce que c'est une très belle expérience d'écoute. Que dire de plus ? Bah, on s'est séparés tout à l'heure avec le Coelmec ensemble. On a écouté un titre de leur tout premier album, paru en 1971. Et on a écouté ensuite un titre de leur deuxième album, paru en 1972. C'était Next, le nom du deuxième album. Et Culculine d'Ancône, il faut à chaque fois que je relise mes notes pour dire ce titre. Donc de ce titre, de cet album, du coup elle met ensemble, Next, il est temps de rendre la main. Nous reviendrons bientôt tous ensemble, je pense pas jeudi qui vient, puisque jeudi qui vient le 20, nous serons en direct du Taquin avec un duo d'improvisation composé du batteur-percussionniste Laurent Paris et du trompettiste Émeric Avis. On est très content de recevoir ces deux musiciens qui vont se livrer à une petite improvisation. On sera en direct de la salle de jazz le Taquin, salle pour l'instant fermée pour les raisons que vous connaissez. Ils vont nous ouvrir les murs pour y réaliser une émission de vraiment autre chose avec un concert en direct. On est hyper ravis, ça va se passer jeudi prochain, le 20 mai. Et on se retrouvera par contre le 27 mai pour reprendre ces histoires de lettres C. Ce sera l'émission numéro 9, on entendra des belles choses. Je pense que vous serez là les copains et merci d'avoir été là durant ces deux heures et d'avoir été mes accompagnateurs virtuels. Merci à toi Manu. Merci et bonne soirée à tout le monde et à une prochaine voyage virtuel. Et ben pour très bientôt. À bientôt les copains. Ciao. Ciao. Au revoir. Des vers débordant d'années à venir. On n'a pas toujours l'amour comme un sel tiède sous nos peaux de cristaux élancés. On n'a pas toujours le ciel ni les couleurs amères des petits matins découverts. On n'a pas forcément la campagne ou la compagne, ni le fin fond des mers, là où s'engloutissent les bagues que nous avions volées un jour à l'écume des nuages de nos vins. On n'a pas toujours ce qu'on appelle le talent ou l'or des pauvres, ni le vin tiré aux fontaines du désert. A-t-on seulement les désirs éternels et glisser sous les glaces comme une mince pellicule de suie blanche? On n'a pas toujours les cheveux près du sang, et non plus près de nous, des couteaux de phrase pour se pendre. On a peut-être, après tout, que des cordes d'étoiles tissées avec le souffle des mourants. N'a-t-on que le dernier soupir? Et peut-on dire alors qu'il soit trop tard? Trop tard.